Bonjour amis Verseau et ascendant Verseau, je suis heureuse de vous retrouver pour effectuer votre tirage de Béline concernant vos amours pour le mois de janvier 2024. En tout cas, je vous souhaite déjà une très belle année 2024. Et puis on va regarder quel est votre tirage alors pour vos amours janvier 2024. C'est parti. Verseau. Peut-être qu'il y a un déménagement dans l'air pour certains d'entre vous. Sinon, il y a une envie de changement. Pour pouvoir, un besoin de changer d'air, une envie de changement. Voilà, ce qui colore le jeu. Maintenant, on va voir le tirage. Hein. Verseau amour. Oui, alors... Eh bien, je vais vous attraper si vous êtes célibataire. Je vais déjà sauter sur vous. Si vous êtes célibataire, ami Verseau, eh bien, voilà, là, on a par rapport à la coupe une envie de changement. Eh bien, peut-être un déménagement aussi. Si vous avez envie de déménager, n'hésitez pas, je dirais. Ça peut vous être vraiment très favorable pour vos amours. Si vous avez envie de changement, eh bien, courez vers ce changement. Parce qu'en fait, ici, on a quand même quelque chose de très important qui est en train de vous arriver. Il y a la naissance d'un amour qui peut vraiment démarrer sur les chapeaux de roue et être très important pour vous, parce que la clé de la destinée indique que c'est une rencontre très importante pour vous. Au-dessus de vous, j'ai le cloître. Alors le cloître, il peut signifier plein de choses différentes. Il indique que par rapport à votre solitude actuelle, eh bien, vous allez vraiment retrouver le plaisir, le désir, partager vraiment réciproque. Voilà, tout simplement. Alors, pour les couples, si votre couple allait bien, eh bien, les envies de déménagement, pourquoi pas, c'est positif pour vous, ça se passera bien si vous changez de maison. Si vous n'êtes pas du tout dans ces projets-là et que votre couple va bien, il est possible que vous ayez envie de changer de statut aussi, de vous marier, pourquoi pas, parce que le quad, ça peut être aussi l'église ou la mairie. Ici, j'ai la renommée qui indique tout ce qui est officiel et bien sûr, l'amour, le plaisir, le désir. Bon, si vous n'avez pas envie de déménager, que vous êtes déjà marié, de toute façon, sachez que tout ce qui est nouveaux projets qui peuvent un petit peu changer, améliorer votre quotidien en ce début d'année 2024, eh bien foncez, puisque ça vous rapprochera. Pour les couples qui n'allaient pas bien, il y a un changement. Donc je reprends la coupe, un vrai changement. Et peut-être que s'il y en avait un d'entre vous qui avait envie de partir, moi j'ai pas l'impression qu'il ou elle le fera. Puisque là, voilà, on a la réconciliation avec la clé. La clé, c'est la solution à tous les problèmes. On a le feu, c'est rapide. Donc c'est début janvier, hein, moi j'ai l'impression. Et par rapport à le fait qu'on s'isole l'un l'autre, on se retrouve pleinement dans le grand épanouissement des sentiments. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un très beau mois de janvier.